Il est 13h, nous sommes mardi, vous écoutez Radioactive et l'on retrouve Joël Constanza, notre chargé de com de l'UFC Que Choisir 37, notre partenaire, notre ami Joël. Bonjour Joël. Bonjour Marlène. Alors on entre actuellement dans une période de salon, de foire. On pense notamment évidemment du 1er au 10 mai à la foire expo de Tours, bien connue localement. Et puis aussi la foire au vin d'Amboise, qu'on n'oublie pas. Alors, une ambiance, des exposants ? Oui, tout à fait. Les foires, les salons, c'est avant tout une ambiance. Et puis, c'est surtout l'occasion de rencontrer en direct des artisans, des commerçants, des producteurs, de discuter avec eux de vos projets éventuels. Alors, ça peut être des cuisines équipées, des pompes à chaleur, des panneaux voltaïques, des travaux d'isolation, des achats de mobilier, matelas, literie, enfin... Tout y est proposé. C'est vrai. Et puis, si vous avez un projet précis, c'est aussi la possibilité de comparer les prix, puisque sur place, vous avez plusieurs professionnels d'un même corps de métier. Bon, est-ce qu'il ne faut quand même pas être un petit peu prudent ? Ben oui, parce que parfois, on peut se laisser porter justement par l'ambiance et se laisser convaincre et signer un bon de commande. Alors, chaque année, l'UFC Que Choisir reçoit de nombreux consommateurs qui regrettent leurs achats après leur visite sur les foires ou sur les salons. Et pour quelles raisons ? Eh ben parce qu'il faut savoir que si vous achetez un produit sur une foire ou sur un salon, eh bien, les achats lors de ces foires et salons ne font pas l'objet d'un délai de rétractation. D'accord, oui. Alors, le délai de rétractation, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le cadre de tout ça ? Alors, en fait, lorsque vous achetez un bien ou un service à distance, que ce soit sur Internet, par téléphone, toujours entre un professionnel et un consommateur, vous avez le droit de changer d'avis dans les 14 jours qui suivent. Voilà, c'est ça le droit de rétractation, c'est ce droit de changer d'avis sans avoir à donner une raison bien précise. Et qu'est-ce qui fait que sur les foires et les salons, ce droit de rétractation, justement, il n'existe pas ? En fait, il n'y a pas de droit de rétractation sur les salons et les foires parce qu'une foire ou un salon est en fait assimilé à un établissement commercial du vendeur ou du prestataire de service au sens du droit de l'Union européenne. Donc, c'est comme si vous achetiez dans son magasin. Or, quand vous achetez dans un magasin, vous n'avez pas de droit de rétractation. Vous achetez une robe, vous rentrez chez vous. Ah mince, la couleur ne me plaît pas ou elle ne plaît pas à mon conjoint. Je ne peux pas la ramener. Si vous la ramenez, le commerçant peut vous la reprendre éventuellement, mais c'est un geste commercial. Voilà, ce n'est pas une obligation. Oui, on en avait parlé dans une précédente chronique. Ouais. Alors, bien sûr, sur le salon ou sur une foire, le vendeur, comme il n'y a pas de ce droit de rétractation, le vendeur doit obligatoirement informer le consommateur de cette absence de droit de rétractation. Donc, attention, c'est bien encadré, ça doit être fourni de manière claire sur le stand, sous forme d'une affichette dont la taille est supérieure ou égale au format A3, dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à 90. Ah oui, c'est très très cadré. Oui, avec la phrase suivante, le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans, etc. Donc tout ça, c'est très très encadré. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup vu ces affichettes, mais bon, j'y ferai plus attention. Elles sont de plus en plus présentes. Ouais, d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a quand même des exceptions ? Oui, alors... Comme je viens de vous le dire, en cas de foire, la loi ne prévoit pas ce droit de rétractation de 14 jours, sauf, vous achetez un bien ou, par exemple, une cuisine. Vous n'avez pas une cuisine, ça va une cuisine aménagée, ça peut être assez cher, donc vous n'avez pas l'argent sur vous, vous devez faire un crédit. Et à ce moment-là, un crédit pour cet achat. On appelle ça un crédit affecté, c'est-à-dire un crédit spécialement pris pour cet achat. Dédié au projet spécifique. Voilà. Et alors, en fait, vous avez un droit de rétractation sur ce crédit. Si vous vous rétractez sur le crédit, automatiquement, ça rendra caduque votre contrat d'achat qui est lié. Eh oui. Donc, attention, parce que si vous achetez quand même avec un crédit affecté, faites-le bien marqué, faites-le bien spécifié sur le bon de commande. Et puis, si le contrat, vous avez vu votre cuisine, je reparle toujours de votre cuisine, vous avez vu votre cuisine, mais ils sont obligés de venir faire un maitrey chez vous. Et suite à la visite technique, le contrat est finalement signé à votre domicile. Là, on rentrera dans un démarchage à domicile et là, vous avez un droit de rétractation. Donc, vous voyez, on a quand même des petites manières de contourner. Ouais, mais enfin, bon, faut acheter un gros truc, en fait. Voilà. Ça ne marche pas sur le balai serpillière. Non. Génial, bon, dernier cri. Ça ne sera pas très, très cher. Du coup, les vendeurs, eux, de leur côté, est-ce qu'ils ont aussi des infos bien précises qu'ils doivent donner avant de signer le contrat ? Oui, bien sûr. Mais à chaque fois, il faut donner des informations qu'on appelle pré-contractuelles, c'est-à-dire qui sont données avant la signature du contrat. C'est-à-dire des informations qui sont relatives aux caractéristiques des produits et des services, comme par exemple les marques de certains matériels importants. Si vous achetez une pompe à chaleur, il faut qu'ils vous décrivent la marque, les panneaux solaires, pareil, leur prix, les garanties légales, la date de livraison, etc. Mais aussi, ça c'est important aussi, si l'exposant fait appel à de la sous-traitance pour l'exécution des travaux. Voilà, donc l'ensemble de ces informations doivent automatiquement figurer sur le bon de commande qui sera après éventuellement établi et signé. Bon, ce qu'on aime avec vous, Joël, c'est que vous avez toujours des bons conseils, justement, pour qu'on ne se fasse pas avoir. Alors, c'est quoi les conseils en la matière ? Alors, ça peut être bien quand même de se renseigner, avant de venir sur la foire Expo, sur les prix du marché. Et puis, de demander plusieurs devis gratuits, bien sûr, auprès de différents exposants. Mmh. Et puis, si vous avez un projet, par exemple, des travaux de rénovation, l'installation d'une pompe à chaleur, vérifiez avant de faire le contrat, vérifiez sa faisabilité avec des informations données par les commerçants, mais voyez aussi les éventuelles autorisations administratives pour des travaux ou bien la réalisation d'un maitré pour une cuisine équipée. Quand voilà. Ça ne rentre pas, c'est embêtant. Voilà. Et puis, il faut être bien conscient, attention, qu'un devis signé, c'est un contrat qui engage les deux parties, le vendeur d'un côté et vous de l'autre. Et qu'en l'absence du droit de rétractation, justement, eh bien, en signant, vous vous engagez. Alors, ne croyez pas, il y a toujours des petits commerciaux qui ne sont pas toujours très sympas, qui vous disent « Non, mais c'est qu'un devis, ça ne vous engage pas. » Si, si, un devis, c'est un contrat qui vous engage. Oui, ou alors l'offre n'est valable que pendant ce salon, il faut en profiter tout de suite. Et du coup, Des arguments. De plus, c'est pareil, si vous versez un acompte, cet acompte, il vous engage définitivement. Le chèque, il est immédiatement encaissable, même si le vendeur vous dit le contraire. Alors, pour terminer, je le redis à chaque fois, si vous avez un projet, si vous avez besoin d'un achat, vous pouvez profiter de la foire exposition pour faire cet achat. Et si vous négociez bien, vous pouvez faire une bonne affaire. Mais attention, si vous n'avez besoin de rien, il n'y aura pas de bonne affaire, mais simplement un achat qui sera toujours inutile. Voilà. Si vous achetez un balai pour nettoyer, c'est pas très très grave. Mais bon, j'ai quand même souvenir de certains dossiers où des gens sont simplement venus à la foire pour regarder quelque chose et qui sont revenus avec des pompes à chaleur ou avec des canapés. Ouais, canapé, je pensais. Voilà. Le canapé cuir. Et en rentrant, le canapé cuir, et en rentrant, s'apercevant que leur, ils ont pris un canapé de 3 mètres et leur salon, ils peuvent plus passer derrière. Voilà. Donc faites attention. Voilà. Ça peut être des bonnes affaires, mais faites attention. C'est toujours, je pense, le premier conseil et celui qu'il faut retenir, c'est faites attention. Oui. Réfléchissez avant. Voilà. Très bien. Et merci beaucoup, Joël. Merci. Et puis, bonne foire. On va y aller quand même. On va y aller, mais on est avertis. Voilà. Merci beaucoup Joël, on se retrouve comme chaque semaine, mardi prochain, à 13h sur Radioactive. Et cette fois-ci, on parlera d'un sujet qui concernera les femmes. Mais pas que.